Chapitre 6 Bataille à mort. Le lendemain matin, quoique raides de froid et meurtris par la dureté de leur lit, nos hardis chasseurs furent debout longtemps avant l'aurore et prêts à reprendre la chasse. Sans chien, guidés par la seule lueur des étoiles, ils se lancèrent avec une souplesse et une ardeur félines vers le gîte qu'ils avaient remarqué la veille. Le brigadier se détourna un peu, avec Burlet, pour prendre le dessous du vent et arriver sur la bête sans qu'elle sentît son approche. En même temps, il posta ses compagnons sur une éminence d'où on pouvait voir le pays à plusieurs milles à la ronde. Ensuite, toute la bande s'arrêta, attendant le jour et écoutant dans l'espoir que les chiens, toujours en chasse, leur amèneraient peut-être le gibier. « Général, dit le maître d'école à l'oncle Jérémia, lorsqu'ils se trouvèrent seuls. « Comment vous trouvez-vous ce matin? Vous semblez pâle. « Tu crois, Iri? J'ai plutôt les jointures raides, autant que j'en puisse juger. Je ne suis plus ce que j'étais il y a 25 ans. J'espère néanmoins être digne de moi jusqu'à la fin. « Comment avez-vous dormi? Pas trop bien. Je n'avais jamais tant souffert du froid. La fougère et la feuillée de sapin sont de malheureux manteaux. « Vous ne semblez pas dans votre assiette ordinaire, général. Nous ferions bien de laisser la chasse et de retourner au campement. Nous, reculer? Abandonner la partie si belle? Tourner les talons après une misérable campagne de 3 jours? Et pourquoi? S'il vous plaît, pour qui me prenez-vous? « Pour qui vous êtes, sœur? Un homme qui en vaut 10 000, même à votre âge. « Bien, bien, Iri. Je ne vaux pas plus que mon pareil. » Et s'il faut dire vrai, je ne suis pas d'aplomb aujourd'hui. J'ai fait un vilain rêve cette nuit. Croyez-vous au rêve, vous? Je ne saurais trop vous dire, sœur. Et pourtant, il m'est arrivé de bien étranges choses à la suite de certains rêves. Mon père a eu ainsi des révélations effrayantes. Il me l'a dit. Oui, cela me remet en mémoire quelque chose dont je voulais vous parler. Il y a 3 nuits, vous savez, alors que nous fûmes si effrayés. Effrayés, sœur? « Bien certainement. Vous n'étiez pas effrayé, Iri? Voyons, sur l'honneur, vous n'aviez pas peur? Je ne sais comment vous répondre, sœur. Je conviens que j'étais en état de trouble et de perplexité, mais... Regardez-moi, Iri, là, bien dans les yeux. Il répondait sans détour. Je vous ai observé pendant tout ce tapage mystérieux. J'ai eu l'œil sur vous sans que vous vous en doutassiez. » Vous vous êtes un peu trompé, général. Je me suis parfaitement aperçu que vous me guettiez comme un chat fait pour une souris, et je me suis comporté en conséquence. Vraiment? Vous êtes profond, Iri Burlet. Votre père l'était aussi. Mais revenons à la question. Comme vous voudrez. Pensez-vous, oui ou non, Iri, que notre vieille maison soit hantée? Avant de vous répondre, permettez-moi de vous demander ce que vous entendez par des mots « Une maison hantée. » Plus bas, Iri, je vois Ned Frazier qui regarde par ici. Je vous demandais si, dans votre opinion, les bruits que nous avions entendus l'autre soir sont l'œuvre des esprits. Quels esprits, général? Les esprits qui, au témoignage du père Cumming et de tous les voisins, fréquentaient la ferme de Blaisdell avant que je l'eusse achetée. Non, sœur, je ne puis dire que je crois cela. Alors, pensez-vous que ces tapages nocturnes aient été produits par Jirut et Jane et les autres enfants? Oui, quelquefois, mais pas toujours. Qui était-ce donc alors, hein? Que sais-je? Les volets? Les croisées? Les portes? L'ouragan? Iri Burlet, regardez-moi. Je vous pose cette question en homme qui va mourir. Mourir, vous? À quoi pensez-vous? Je pense juste, mon enfant, j'approche du terme de mon voyage. J'ai reçu un avertissement, Iri. Et maintenant, répondez-moi avec franchise, je vous en prie. N'avez-vous pas entendu des chuchotements dans la maison? Eh bien, sœur, puisque vous prenez la chose si fort au sérieux, je vous dirai que je n'ai pas pris garde à la différence qu'il peut y avoir entre des chuchotements et des voix. Enfin, avez-vous entendu des voix? Pour cela, oui. Du cellier, du bûcher, du garde-manger, sont parties des voix bien distinctes, des voix humaines. Bien, continuez. Aviez-vous lu les affidavits, déclaration sincèrement, du père Cumming et des autres? Oui, mais seulement il y a un mois environ. J'en avais bien entendu parler vaguement avant d'acheter Blaisdell House, avant même d'y songer. On disait que cette vieille baraque était hantée, et que s'il le fallait, plus de 50 témoins attesteraient avoir vu, de leurs propres yeux, les uns le jour, les autres la nuit, l'esprit de M. Butler y faisant apparition. C'est bien cela, sœur. Quelles ont été les déclarations? Moi, j'ai regardé tout ça comme des contes, et je n'en ai pas cru un mot. On m'offrait la ferme pour le quart de sa valeur. J'étais décidé à l'acheter, et je l'ai acquise, hantée ou non hantée, sans m'inquiéter davantage. Je ne pouvais penser sans rire à habiter la maison des esprits, et je n'avais pas donné une seule pensée à toutes ces histoires jusqu'au mois dernier, époque où un étrange tumulte s'est fait entendre dans la maison. J'étais resté seul à cause de mes rhumatismes, pendant que toute la famille était allée au meeting. Mais vous avez frissonné, il me semble, Iri. Je ne pense pas, sœur, continuez. J'étais dans mon lit, fort bien éveillé, tout à coup, j'entendis comme une conversation près de moi. Vous comprenez, j'ai tiré avantage de ces mystères-là pour acheter le domaine à vil prix. J'ai acheté au préjudice de la veuve et des orphelins. Et maintenant, je vais être jugé. Je ne vois pas cela, sœur, mais c'est mon opinion. Et maintenant, dites-moi sincèrement si vous pensez que ces affidavits émanent de gens honnêtes. Je le pense. Et que tout s'est passé loyalement? Oui, autant que j'en puis juger. Je les connais presque tous, ces déclarants, hommes ou femmes. Ils sont tous d'un caractère sage, prudent et pieux. Quant à Parson Cumming, c'était un gradué de l'université d'Harvard, un homme d'une importance scolastique indiscutable. Je possède la brochure qu'il a publiée en 1800, je crois. Il y est question de spectre féminin qui fit apparition dans le mois d'août de cette année-là. Ce livre est à votre service quand vous voudrez. Mais vous paraissez troublée, sœur. Je le suis en effet, Iri. J'ai fait le mal et mon repentir ne peut dissiper le sombre nuage que m'a laissé ce rêve. Quel était donc votre rêve, sœur? Je n'aime pas à y songer, Iri. En deux mots, le sang criait vengeance contre moi. Les deux spectres de George Butler et de sa femme me poursuivaient en criant d'une voix sourde et enrouée. Il y a un signe sur toi. Il y aura du sang dans ta route. Ah, j'entends les chiens. Tous les chasseurs se redressèrent en sursaut, écoutant, les mains contre leurs oreilles. Encore un mot, Iri, dit le brigadier, avec des yeux égarés comme s'il apercevait un objet invisible pour Burley. Que pensez-vous de toute cette affaire, en l'envisageant raisonnablement? Je dis que tout cela est incompréhensible si on n'admet pas que les déclarations sont vraies. Dans ce cas, je suis un homme mort, et si je survis à ce jour, c'est bien la dernière fois que je vais à la chasse du Mouse. En ce moment, on entendit les aboiements éloignés des chiens, mais dans une direction tout autre que celle que les chasseurs allaient prendre. Peu après, les frères Frazier firent des signaux auxquels tout le monde accourut. À l'aspect de ce tohu-bohu, le brigadier proposa à ses compagnons de se diviser en deux bandes. Je resterai avec Burley. Nous suivrons cette direction, dit-il, en montrant un point noir qui paraissait mouvant sur la pente glacée d'une colline assez proche. Vous. Il vient! Il vient! Hurlèrent les Frazier au grand déplaisir du brigadier et de Burley. Allez-y, courez, mes garçons. Chacun sa route. Je suis sûr qu'il nous a vus ou entendus. Tout à l'heure, les premiers seront les derniers. Vous pouvez crier maintenant tant que vous voudrez. Ça n'arrivera qu'à l'étourdir. Ah, si seulement j'avais les chiens! À ces mots suivis de Burley, il se mit en chasse. Les autres chasseurs continuèrent à se développer sur la lisière du bois, rétrécissant graduellement leur enceinte autour de l'animal, qui paraissait démoralisé par le nombre et la position de ses ennemis. Un instant, il sembla décidé à traverser, au grand trot, la clairière, mais tout à coup il bondit vers le fourré. Ses mouvements agiles indiquaient qu'il n'était pas sérieusement blessé. Allô! Cria le brigadier lorsque la bête fut en vue. Allô! C'est bien le gaillard avec lequel nous avons eu affaire. Voyez ses cornes! Et il se lança vers lui à travers bois et broussailles qui craquaient devant lui comme devant un hippopotame. En effet, la ramure de l'animal était magnifique. Jamais chasseur n'en vit plus une gigantesque. Hurrah! Voici les roquets! Au même instant, les échos répétèrent mille aboiements très proches. L'oncle Jerry courut dans leur direction. Burley fit un détour, espérant couper les devants à la bête, avant qu'elle gagnât le fort du bois. Les cris de la meute se rapprochaient. La voix sourde d'un gros dog s'y mêlait par intervalles. Parfois retentissait la plainte d'un chien blessé. Ça et là des coups de feu. Tous ces bruits réunis formaient un vacarme infernal. Soudain, au moment où le brigadier se précipitait vers une éclaircie, toute blanche de neige, un horrible craquement fit frissonner le bois devant lui en trois ou quatre places différentes. Un moment ému, il reprit bientôt son sang-froid, mit son fusil en joue et marcha droit au bruit. Soudain, une clameur aiguë frappa ses oreilles. C'était Burley qui criait de façon à glacer d'effroi le plus intrépide veneur. « Garde à vous, sœur, garde à vous! Courez sur votre vie, faites feu et courez, ou vous êtes perdus !» Mais avant que le vieillard eût fait face, le terrible ennemi sortait du fourré et courait droit sur lui. Le danger était pressant. Il n'y avait de salut à espérer que dans une lutte corps à corps, si le coup de fusil ne le foudroyait pas. Le brigadier aurait voulu viser au défaut de l'épaule, mais l'animal se présentant de front, il tira donc en plein poitrail. Le mouse tomba à genoux sur le cou. Mais presque aussitôt, après deux ou trois plongeons dans la neige, il se releva et se lança sur le brigadier au triple galop. « Derrière un arbre !» hurla Burley. « Prenez abri derrière un arbre, pour Dieu, courez ! Cela me donnera le temps d'arriver à portée de fusil. » Le vieillard bondit comme un chat sauvage, et comme le mouse enfonçait dans la neige, pendant quelques secondes il eut espoir de salut. Mais à chaque saut, il prenait de l'avance. Bientôt, le brigadier sentit sa respiration brûlante sur son épaule. Pour gagner du temps, il lui jeta son long manteau à la tête. Le mouse furieux se secoua, trépigna, et le manteau disparut en morceaux. La poursuite recommença. Le vieillard essaya de lui lancer son chapeau. Le vent l'emporta loin du but. Les chiens soufflaient le poil à la bête et se ruaient sur elle comme un ouragan, sans même attirer son attention. Le mouse ne voyait que l'homme qui l'avait blessé. Enfin, le brigadier fit un faux pas et tomba à boucher dans la neige, sans pouvoir se relever, embarrassé qu'il était par ses raquettes. Cependant, le vieux brave ne perdit pas la tête. Il savait que Burley était proche. Il venait d'entendre les aboiements du vieux Watch. Des secours ne devaient pas tarder à arriver. Au moment où l'énorme quadrupède se cabrait pour le fouler aux pieds, il se jeta vivement de côté et esquiva ainsi le choc mortel de ses sabots fourchus. En retombant, l'animal, par son poids, s'enfonça lourdement dans la neige jusqu'aux oreilles, si profondément que l'un de ses andouillés vint se coucher sur la glace tout près du vieillard. Ce dernier saisit la corne à deux mains et y resta suspendu. À ce moment, Watch arrivait. D'un bond furieux, il s'élança à la gorge du mouse. Burley apparut à son tour, le fusil en joue, mais n'osant faire feu de crainte de blesser son vieil ami. « Feu, Burley, n'aie pas peur pour moi !» cria le brigadier. « Ne le manque pas !» Le mousse se cabra et rua frénétiquement. Tout à coup, son énorme andouillé, ébranlé sans doute par cette lutte et par les chocs qu'il avait reçus dans les bois, tomba arraché de sa tête comme une branche frappée par le tonnerre. Cette nouvelle blessure exaspéra l'animal. Il chercha à frapper de l'autre andouillé le vieux chasseur qui avait roulé par terre. Mais par un effort désespéré, ce dernier saisit encore le bois du mouse et fut jeté en l'air par un haut-le-corps que fit l'animal. Le malheureux chasseur était, on peut le dire, suspendu entre la vie et la mort. Burley fit feu. La détonation fit résonner les bois, et elle a se répercuter dans mille échos, comme une décharge d'artillerie. Le monstre furieux tomba lourdement, tête première dans la neige, précisément dans le creux où, cherchant à écraser l'oncle Jerry sous ses pieds, il avait failli terminer d'un seul coup toutes ses affaires en ce bas monde. Watch le saisit dans sa chute, toujours cramponné à sa gorge par des mâchoires d'acier. Toujours indomptable, quoique cruellement meurtri, le brigadier se rua sur le mouse, et avant que Burley fût à portée de l'aider, acheva l'animal en lui plongeant jusqu'au manche son long couteau dans la poitrine. L'air et les bois tremblèrent au bruit des sauvages hurrahs que poussa la bande triomphante des chasseurs, en même temps que le fidèle Watch aboyait et que la meute déroquait s'égosillait en affreux glapissements. Hourra pour le vieux chasseur! Hourra pour l'oncle Jerry! Hourra pour le squire! Hourra pour mon père! On continua ainsi plusieurs minutes, jusqu'à perte d'haleine, en y mêlant des salves de mousqueterie. « Assez, enfant, assez, vous me comblez !» criait le bonhomme attendri. « Ah, voilà les vrais chasseurs de mousse. Voilà une chasse, mes amis. Allons, chargez vos armes !» Après avoir soigneusement chargé et amorcé, il tint brièvement conseil. Il fut résolu définitivement que la moitié de la bande se mettrait à battre les bois avec les chiens, pendant que l'autre moitié s'occuperait des préparatifs du souper, soit sur place dans un camp volant, soit au grand campement précédemment établi. Il fut recommandé par le maître d'école de rester avant la chute du jour et de ne pas s'oublier trop tard dans les forêts, quelques tentations que put offrir la chasse. Lorsque le vieux chasseur eut coupé le mufle, le foie et le cœur, il demanda l'aide de ses compagnons pour extraire les os à moelle et découper en tranches la chair bonne à manger. Burley fut le premier à l'œuvre. Agrandissant le trou formé dans la neige sanglante par les convulsions du terrible animal, il ouvrit le corps très adroitement et découpa des morceaux de nature à dédommager amplement toute la bande d'un jeune forcé de 48 heures. « Et maintenant qu'allons-nous faire ? » demanda-t-il au brigadier. « Poussez en avant. J'ai bonne idée. Nous trouverons peut-être 2 ou 3 familles par là. Allô ! Où donc est Ned Frazier ?»« Il est parti, général, ainsi que vous le lui avez enjoint, » répondit le plus jeune des 2 frères restants. « Vous lui avez dit de marcher comme il l'entendrait. » Burley se retourna soudain avec un mouvement fébrile et dit d'un ton sérieux. « Vous auriez mieux fait de suivre votre frère, sœur, et de ne pas vous éloigner de lui. De plus, à mon avis, 1 chien ou 2 ne vous auraient point été inutiles. »« Vous avez raison, Iri, » ajouta le brigadier. « Et figurons-nous bien qu'il sera fort dangereux de nous disperser hors de portée de la voix. » Et au moment où la petite troupe se remit en marche, il se rapprocha de Burley pour lui dire à voix basse « C'est fini avec mon rêve, Iri. » « Oh oui, je le pense ainsi. » « Un vilain rêve, Iri Burley. Mais, ajouta-t-il en levant les 2 mains au ciel, j'ai reçu une leçon que je n'oublierai jamais. Je vois maintenant pourquoi la femme Butler m'est apparue en songe. Que voulez-vous dire, sœur ? Pour me mettre face à face avec la mort et m'obliger à payer plus cher la ferme de Blaisdell. » Burley secoua la tête. « Jamais, mon bon sœur, jamais, jamais. Pourquoi la paieriez-vous plus cher ? Vous en offririez dans ce cas plus que personne. » « C'est parfaitement vrai, Iri, mais je n'ajoute pas foi à ces histoires. D'autres y croient, et s'ils n'y eussent pas cru, ils auraient donné un meilleur prix de cette propriété. Mais vous pensez aujourd'hui que ces histoires sont vraies, n'est-ce pas? Si je vous comprends bien à présent, vous êtes inquiet à cause des idées nouvelles qui vous remplissent l'imagination. Vous n'avez pas tort, Iri. Depuis quelque temps, je me sens sombre et mal à l'aise. Tout à l'heure, quand je pouvais voir dans les yeux du mousse l'image de la mort prête à me fouler aux pieds, il m'a passé dans la tête une foule d'idées. Lorsque nous serons de retour dans la maison, nous parlerons affaires, et je vous confierai un tas de papiers à débrouiller. Très bien, je vous entends. Mais il faudra voir plus tard. N'agissez pas avec précipitation et sous l'impression d'une pensée inquiète. Plus tard, qu'entendez-vous par là, Iri? Ce matin, vous m'avez dit la même chose. C'est entendu. Mais nous ne pouvons rien avant d'être à la maison. Et maintenant, que faisons-nous? Revenons au campement, Iri. Peut-être, mais que décidons-nous pour la chasse? Restons-nous sur notre triomphe? Oh non, si tu veux rester ici et tout préparer pour le souper, je pousserai une pointe en avant avec quelques compagnons. Excusez-moi, sœur, je n'aimerais point vous laisser aller seule en expédition. Ici, par exemple, je n'aurai pas d'inquiétude. Nos compagnons feront ce qu'ils voudront et battront en retraite, même sans souper s'il leur plaît. Sauf votre avis, j'irai seul en avant flairer l'air de ce bois. Adopté. Je suis joliment rompu et il me semble que je reçois la visite de mes vieux rhumatismes. Burley sourit. Ce n'est pas étonnant, après l'assaut que vous avez eu avec ce monstre. Mais, continua le brigadier, nous avons entendu par là la voix de Luther. Ce devait être lui, car Watch est ici. Tâchez donc de l'apercevoir pour que je sache comment il se fait qu'il ait rompu la consigne et laissé le camp pour venir nous trouver. Ah, il est proche. Le vieux Watch flaire son arrivée. Comme le brigadier parlait encore, Luther apparut en courant. « Bonjour, père, comment allez-vous aujourd'hui? Et vos rhumatismes? » « Assez joliment. Mais me direz-vous, Luther, pourquoi avez-vous laissé le campement? » « Ce n'est point ma faute, père. Watch a voulu s'échapper et m'a traîné sur la neige au moins pendant 5 minutes, avant que j'aie pu le retenir. Il m'a bien fallu le suivre, à moins de lui tirer un coup de fusil, ce qui aurait été malheureux. Enfin, il m'a été impossible de le ramener. Pourquoi ne le laissiez-vous pas aller? Ah, père, vous l'aviez défendu. Bien, garçon, bien. Et quelle nouvelle du camp, du troupeau? Excellente. Smith, Jones et le voisin Libby sont venus nous joindre. Mais, ne connaissant pas votre route, ils ont pris le parti d'attendre là vos nouvelles. Mais dites donc, père, qu'est-ce qui a coupé la corde du piège à Mouze sur la route? Tu as donc passé par là, Luther? Oui, je suivais Watch, qui suivait votre piste. Burley avait fait un mouvement pour parler, mais s'était retenu attendant la réponse. La trappe n'était donc pas tendue? Non, la corde était coupée, le sapin redressé. Burley échangea un coup d'œil avec le vieux chasseur et s'écria. « Voilà justement ce que je craignais. » « Le méchant gamin, » fit le brigadier, songeant à Ned. « As-tu vu les trois phrasiers, Ned surtout ?»« Je les ai vus tous trois, mais je ne sais qui a coupé la corde. »« Ne t'inquiète pas. Iri, sur votre vie, courez, et lorsque vous verrez ces phrasiers, dites-leur de se tenir loin de ces troutes. Il arriverait un malheur. » Burley s'élança avec une promptitude furieuse qui stupéfia Luther. Mais avant qu'il fût hors de portée de la voix, le brigadier lui cria. « Ne les laissez pas retourner au camp, Iri, ou bien ce sont des hommes morts. Tâchez de les ramener ici, leur souper sera prêt. »« Souper ?» observa Luther en regardant le soleil. « Goûter, dîner, souper, comme tu voudras. Ils auront un appétit qui leur fera trouver tout bon. Je te le garantis, quelque nom qu'on adopte. » « Très bien, père. Ça va nous ragaillardir, un bon repas. Ils pourraient être ici dans une heure. Néanmoins, je ne les attends qu'après le coucher du soleil. Vous devez avoir besoin de prendre un air de feu, père. Oui, ma foi. Prends ma hachette et coupe de la broussaille, tant que tu pourras, pendant que je vais préparer les grillades. Ah, ah, c'est ça une bonne affaire. Allons, Luther, presse. » Le gros garçon partit au galop. Le père se mit à dépecer le mousse en belles tranches fumantes, sans oublier le mufle, le foie et les os à moelle. Bientôt Luther reparut courbé sous un énorme fait de broussailles. Le feu ne tarda pas à s'allumer, brillant, pétillant, réjouissant. Le foyer avait été artistement bâti avec des pierres longues et étroites. Le brigadier, les cheveux au vent, les manches retroussées, s'en donnait à cœur joie à sa besogne. Tout à coup, il s'arrêta pour écouter. Puis, regardant le fusil de Luther appuyé contre un arbre, il lui demanda d'un ton inquiet s'il était chargé. « Oui, père. Et amorcé ?»« Vous pouvez voir, père. »« Vous pouvez voir, père, tête de bois. Il y va de votre vie, et vous ne pouvez voir ça vous-même. Venez ici et couchez-vous à plat ventre sur la neige. » Parlant ainsi, le brigadier prit le fusil, ouvrit le bassinet, secoua l'amorce et la remplaça avec le plus grand soin, boucla à sa ceinture sa poudrière et son sac à balles, puis s'agenouilla derrière un tas de neige, guettant l'approche de quelqu'un ou de quelque chose. Mais rien n'apparut. Après une attente de quelques minutes, le brigadier déposa le fusil, en murmurant que peut-être il s'était trompé, et il reprit ses préparatifs culinaires. Le pauvre Luther forma à son aise, et le vieux Watch inquiet, demeurèrent immobiles. Le chien s'assit, les yeux fixés vers un amas de troncs d'arbres assez éloignés, au fond de la clairière. Par intervalles, il agitait ses oreilles, comme pour percevoir quelques sons furtifs et lointains. Ensuite, il regardait Luther, et le caressait en remuant sa queue, qui balayait la neige. « Qu'est-ce donc, père ? » demanda enfin le jeune homme, en se soulevant sur ses deux coudes. « Prenez votre fusil et je vous le dirai. » Au moment où Luther prenait l'arme, son père la saisit, sonda le canon avec la baguette pour assurer la charge, épingla soigneusement la lumière, remit dans le bassinet une amorce fraîche. Cette opération faite minutieusement, il remit le fusil à son fils en lui disant Gardez ce fidèle compagnon à votre portée, si vous tenez à vivre. Nous ne pouvons savoir ce qui va arriver. Oui, père, mais vous ne m'avez pas répondu. Vous ne répondez jamais à mes questions. Je voudrais bien savoir ce que vous avez vu. Fort bien. J'ai aperçu l'ombre d'un Indien, juste dans cette direction. Là, derrière un gros sapin, il a disparu comme un éclair. Avez-vous entendu quelque chose? Non, j'ai eu beau écouter, écouter, rien. Comment voulez-vous qu'on entende à cette distance? Petit sot, est-ce qu'un mocassin fait du bruit? Mais père, peut-être il a des raquettes? Non, par le diable, autrement il serait à la poursuite du mousse ou du caribou. Ah, une idée me revient. Qui est-ce qui a tiré des coups de feu juste au moment où vous nous avez rejoints? Je ne suis pas sûr, père. Les phrasiers ont tiré chacun deux ou trois coups de fusil. Mais pourquoi? Je l'ignore, ils étaient loin. Je n'ai rien vu. Ils se fusillaient avec les Indiens, probablement. As-tu rencontré des chiens errants? Non, père. Mais j'ai entendu des aboiements qui ne ressemblent pas à ceux de nos chiens. Ils me rappellent ce que nous avons entendu chez les Penobscot. Une espèce de grondement suivi d'un ou deux cris. Assez, mon garçon, assez. Les Penobscot sont sur nos traces. Nous n'avons qu'à faire bon guet jour et nuit, et à ne dormir que d'un œil. Oui, père. Mais qu'y a-t-il donc entre nous et ces Indiens? En deux mots, le vieillard lui racontait comment Ned Frazier avait coupé la corde du piège à mousse. Luther frissonna et se sentit inquiet. Le repas était prêt. Ils attendirent d'heure en heure l'arrivée de quelqu'un de leurs compagnons sans voir personne. À la fin, voyant le soleil coucher, ils ne purent résister à la tentation de mordre à belles dents dans ses succulentes et juteuses grillades. Le père avait mis à part le fameux filet cru, délice des vieux chasseurs. Il l'expédia en se léchant les lèvres. Vainement, il essaya d'en faire manger à Luther. Le jeune novice n'était pas encore à la hauteur de son père. Il préféra les viandes rôties et joua vaillamment des mâchoires. Le vieillard s'efforça encore de décider Luther à manger des tartines de moelle, le beurre de mousse, délicatement étendu sur du pain de riz grillé. Le gros garçon avait le cœur délicat et trouva cette gourmandise trop grasse et huileuse pour son goût. Au moment le plus chaud du festin, Bouche fit un bond soudain, grogna et aboya formidablement. Une seconde après, des voix retentirent dans le fourré et toute la bande des chasseurs apparut successivement. Le plus jeune phrasier seul manquait. « Vous ne l'avez pas vu, Iri ?» demanda le brigadier. « Non. Vainement, nous avons battu les bois, tirant des coups de fusil pour l'appeler. Ce jeune fou n'a pas répondu. « Il n'en fait pas d'autre, ce Ned !» s'écria phrasier aîné. « Toujours il a le diable au corps. Je ne serais pas étonné qu'il fût retourné à la maison. » Ou bien, ajouta l'autre frère, il aura préféré aller courtiser quelques jolies filles, comme il y en a tant dans les régions de l'Est. Le brigadier devint pensif. Burley paraissait fort inquiet. Allons, allons, enfants, s'écria tout à coup le brigadier. Voyons si vous serez attaqué convenablement la cuisine de mousse. Courage, jeunes gens, à l'œuvre. Et toi, vieux camarade Wouch, c'est ton tour maintenant. Tu as bien gagné ton souper, aujourd'hui et en mille autres circonstances. Parlant ainsi, le bon vieux chasseur faisait à chacun de copieuses distributions de vivres, de grillades, de sa moelle, de riz grillé à l'indienne, et riait de tout son cœur en voyant fonctionner ses affamés convives. Le repas fini, on donna un coup d'œil au fusil, on posa une sentinelle en compagnie de Watch, et on s'endormit paisiblement.